Je vois l'être et la vie, et leur source inconnue, dans les fleuves des terres. Tous les mondes roulants, je poursuis la comète aux crins étincelants. Les astres et leur poids, leur forme et leur distance. Je voyage avec eux. À leur tour, les éléments divers, leur haine, leur amour. Les causes et l'infini s'ouvrent. À mon œil, avide. Mais ce soleil assis dans leur centre brûlant, et chacun roi d'un monde autour de lui roulant, ne garde point eux-mêmes une immobile place, chacun avec son monde emporté dans l'espace. Ils cheminent eux-mêmes, un invincible poids les courbe sous le joug.